La variété française, c'était pas trop mon truc. Hein. Ah oui, c'était quoi, vous? Black metal. Oh, bah déjà, c'est tout un programme. Et bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Dans bonsoir. Memento Mori, toujours sur, en live sur Radio Gamozo avec Arnaud. Bonsoir, ouais, Arnaud. Comme d'hab. Et Arnaud. Bonsoir, ouais, bonsoir. Arnaud. Alors, ce soir, pas de Mounet, on va remplacer par notre camarade Arnaud qui va nous parler, passer de la musique triste, j'imagine. Pas que, beaucoup de. C'est la grande famille du punk hardcore. D'accord. Un peu comme la grande famille du metal ? Non. Un petit peu, mais avec beaucoup de Stonehenge dedans, pour d'accord, ceux qui connaissent. Évidemment. Et toujours avec Lia, notre camarade qui nous supporte et nous salut soutient. Salut les garçons, avec plaisir. Voilà. C'était un mensonge. Du coup, Arnaud, qu'est-ce qu'on va s'écouter en premier ? Alors, en premier, on va écouter. Alors, avant de tout démarrer, toutes les chansons que je vais passer font partie du catalogue de chez Stonehenge Records. Vieux label, je crois qu'ils ont commencé, qu'il a commencé en 91. Vieux label qui sort, selon ses dires, anarcho-emo-punk, mais pas que. Voilà. Il y a différentes choses, plus ou moins vieilles. Et on va commencer par une chose assez nouvelle. Ils ont sorti ça l'année dernière. C'est Woodwork, groupe de hardcore de Toulouse. Avec Tortilla Ball dedans. À l'instant, c'était Woodwork et peut-être des samples qui parlaient de Tortilla Ball par-dessus, mais allez savoir. Alors, pour les puristes, dans les années 90, ça se faisait beaucoup. Donc voilà, Woodwork cool, Toulouse. Ça. C'est très ouais, bien. Woodwork Toulouse, de nouvel album. Le premier était moins varié, moins groovy. Là, il est bien 90, quoi. Bien hardcore. Ah, on sent le hardcore d'avant. Ouais, ça, ouais. C'est cool. Et on se mettait un petit ouais, le deuxième juste derrière. Le deuxième morceau, c'est un morceau des Night Watchers de Toulouse aussi, qui n'est pas sorti par Stonehenge par contre. 1905 and the Muslim Exception. Ce morceau, parce qu'on les fait jouer au mois de mars, le 26 mars, au Rupstick à Rue-sur-Moselle. Et aussi parce que je le trouve très important, ce groupe, je le trouve très important parce que des albums très importants, des thématiques qui sont très importantes. Et là, ça fait deux albums qui nous font sur le colonialisme. Et aussi la répercussion du colonialisme en Occident. Voilà, c'est il y a des tonnes de choses à lire, il y a des un gros bouquin avec, c'est un peu compliqué, mais ça vaut le coup d'être lu. Vous êtes toujours dans Memento Mori. C'est excellent. C'était Night Watchers de Toulouse. De Toulouse, ouais. Ou Toulouse. Toulouse. Voilà, exactement. C'est bien. C'était bien, ça. Ouais, ce qu'on disait. Bien mélodique. Hein. Bien mélodique. Tout. Ils ont deux albums et deux ou trois EP. Sur les premiers trucs, il y avait des tubes, quoi. Vraiment des tubes, etc. Et c'est vrai que l'album-là. Tu l'écoutes d'abord et ça fait un peu monolithique, etc. Puis, mais moi, j'y reviens vachement. Parce qu'il y a des trucs, des riffs, des petits trucs qui me rappellent, qui me disent de revenir, quoi. Est-ce que c'est la ghost track à la fin qui dit « Reviens, réécoute cet album » qui te fait revenir? À l'envers, hein, passer à l'envers. Bon, on va faire un petit grand écart au niveau des styles. On va enchaîner avec Desporuti, du rap. Rap underground français, un peu la version hardcore de Kenny Arcana, donc ça va envoyer du lourd. Et on continue le grand écart avec Cold Hell, un truc qui nous vient de Finlande et qui joue du power violence avec genre la blinde de Larsen. On est sur 2 minutes, 3 morceaux, 1 minute de Larsen, voilà, comme ça, que dire de plus, on écoute ça. La vie qui ne se calcule pas, pas en impro. J'ai vu des gens plutôt noirs pendus sur les paquets de Malboro. J'ai vu l'homme verser du sang pour du pétrole. Africa, I love you, j'ai vu la diaspora vendre de la drogue. Rebelle, elle se mange des peines de placard. Tout ce qu'elle veut, c'est escorter maman à son mariage dans une Benz placard. Cœur de porcelaine, je me suis vu haïr l'amour, aimer la haine. Je rappe les réalités, les frères veulent pas capter. Sont manipulés par des trucs compris comme des arrières de mécanes 2. J'ai mélangé ma folie natale au shit. J'suis trop bac, j'ai vu des amis rire de ma chute. On guide les siens dans le noir en priant. L'humain est une hyène, il peut te souhaiter la mort en riant. Trop de choses à dire, j'ai plus la liste. On met pas ses parents à l'abri du besoin sans être un minimum capitalien. Tony pas loin, soit sur 15 ans, ça on meurt seul. Point gauche serré, l'alliance qui brille. Le sable s'enchaîne, la mort est gratuite. Pour du cash ou une tasse, ça part en vrille. Nos âmes sont sales, pourtant nos parents prient. Une balle s'échappe, il y a un prix. Les guns sont plates, la coque est blanche, oui. D'après ma prof, l'art plastique, ça donne des cadavres gris. Le niveau de ma punch avoisine le sommet de la tour Eiffel. Mais y'a plus rien à craindre, Tawala a tout raflé. Les relations se font et les choses se corsent. Si t'as le cœur sur la main, c'est que les déceptions te l'ont sorti ton torse. Plume de vautour, j'ai le feu de la mort. Ton mari t'a battu parce qu'il t'aime trop violemment. Sale et ne pas de bol, route c'est comme Backboy. Au black au punch, battre à bouger comme drogue, pop, backbone. Je reviens le crâne qui fume comme une locomotive. L'amitié c'est quatre boules soudées comme le logo d'Oggy. C'est là que tu me dis t'étais où 12 ans. J'suis scandaleux comme Gainsbourg qui dit I want to fuck you à Whitney Houston. Sois compréhensif des jeunes de banlieue. Malgré les bastonnades, comment tu vivrais les ratonnades. Tu peux plus leur mentir, tricher peut faire gagner. Ils ont tous vu la main de Dieu de Maradona. Si un tout n'est pas loin, soit sur 15 ans, ça on meurt seul. Point gauche serré, l'alliance qui brille. Le sable s'enchaîne, la mort est gratuite. Pour du cash ou une tasse, ça part en vrille. Nos âmes sont sales, pourtant nos parents prient. Une balle s'échappe, il a repris. Les guns sont plates, la coque est blanche, oui. D'après ma prof, d'art plastique, ça donne des cadavres gris. Quand j'ai poussé à l'avortement, j'ai comme étranglé mon propre enfant. Je me morfonds, je crois que j'ai du poison dans la queue comme un scorpion. Les gens oublient vite tout le bien que tu leur fais. Comme cette vipère qui te mord une fois que tu l'as sorti du feu. En survêt, tu peux carotter Milo. Mon costard t'en raquettera des millions. La police n'a pas de leçon de morale à donner aux jeunes. Elle aussi se fait respecter grâce aux gueules. Elles arrangent rien les émissions sur les blindés de Monaco. Ils doivent shooter les chiens de la douane pour qu'ils reconnaissent si bien la coque. Ah, désormais la paix se conquiert avec un tank. J'baisse la musique urbaine, j'ai chacune de l'encre. Ma folie fait ma prestance. Si la France n'était pas conservatrice, de la Noé serait président. J'aime les mots salauds, n'a pas le même poids que salope. L'intolérance stagne, le métissage c'est un zèbre qui galope. Cold Hell, petit truc de Pyre Violence finlandais que je trouve très très très bien. D'accord. Est-ce que tu as un retour auditeur sur ce morceau-là, Lia, éventuellement, ou ça allait... Je suis désolée, pas de retour sur ce morceau-là. Bon, d'accord. C'est bien. Uniquement sur le premier. Qu'on avait accroché, ça y est, ils ont. Mais en tout cas, c'est vrai que le premier son était génial. Bravo. Bon. Merci. Eh ben, il y en aura pour peut-être quelques autres comme ça. Ah, génial. Revenez là, ouais. Dans 4 semaines. Ouais. Non, mais achetez le CD. Ah non. Venez un morceau sur 4. Sur 8. Donc, du coup, après ces petites joyeusetés, on va s'écouter. Pas, je sais pas. Les non, paroles, t'as c'est. T'as pas senti la joie ? Pas des masses. Mais bon. Après, je suis pas sûr que ça soit très, très joyeux de mon côté aussi sur les morceaux. On va s'écouter le tunnel de l'enfer. Ah. Ce qui n'est pas. Et ce n'est pas un long monologue de moi, par exemple, sur une explication vaguement d'un souvenir qui serait très pénible. Non, c'est un groupe qui m'a contacté par l'internet en me disant ouais, salut, comment on pourrait passer des morceaux dans Memento Mori ? Alors, je m'inquiétais un peu, je me disais. Je sais pas, tu vois, il y a souvent quand même des trucs, on nous a quand même envoyé pas mal de trucs avec des cuivres, jusqu'à festif et tout ça, tu sais, j'ai envie d'être poli, mais bon, quand même. Et puis après, mon petit message me fait, ouais, c'est un truc influence Cockbus, Limp Priest, tout ça. Je fais, ah bon, pardon. C'est... voilà, autant pour moi, en fait, on va l'écouter, et en fait, c'est cool. Et donc, voilà, c'est un groupe de Lille. Je sais pas comment, d'où ça atterrit chez nous, mais en tout cas, voilà, c'est très bien. C'est le morceau qui s'appelle Sly is Doer, je sais pas, peut-être que c'est du flamand, on va savoir. Mais voilà, c'est un disque qui a été fait entièrement à distance. Voilà, je trouve ça c'est rigolo. Covid, ça, confinement, ouais. Et puis voilà, ils ont tous les musiciens, chacun chez lui. Voilà, chacun ses choix. Chacun chez soi, et les EP seront bien gardés. Et voilà, ce qui est assez cool. Et juste après, on va s'écouter Salo, qui est un groupe de Lyon, avec un membre de Well Done Dumb Boys. J'imagine que toi, ça te dit quelque chose. Vaguement, ça fait. Et j'entends Larsen, quoi. Ouais, bon, d'accord. J'ai dû voir ça. Ouais. J'en ai déjà passé ici, c'était assez cool. Enfin, bon, en tout cas, moi j'avais un retour positif de moi-même dessus. Et du coup, ils ont fait un nouveau groupe, voilà, toujours un petit trio, toujours un peu noise, évidemment, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Enfin, noise rock. Noise, hein, oui, voilà, la j'ai cru voir tes yeux s'illuminer et je me suis dit. Non, mais je suis pas dupe, Et du coup, ouais, ils ont sorti un album là, tout récemment. Le morceau s'appelle Algeria. Et c'est cool. Et petite blague, ils ont une mix qui a été enregistrée par Turk Balou. Ou Turk Balou, je sais pas comment il veut le prononcer, mais voilà. Moi, j'aime bien l'humour et du coup, ça m'a fait rigoler. Toutes les entrées sont complètement bouchées. Comment vous allez y pénétrer ? Par là. Yeah, yeah, yeah ! We are Hop là, petit Larsen pour le plaisir. C'était ultra cool. Ah bah oui. Ouais. Voilà, et bah c'était Salo, là à l'instant. Et juste avant, c'était le tunnel de l'enfer. Comment, c'était cool aussi. Comment t'écris Salo? S-A-L-O. Ah oui, comme... comme ça se prononce oui. Comme Salo, les 120 jours de Sodome et Gomorrhe. Ah, peut-être bien. C'est quand t'as un groupe de noise rock, il y a des chances que ça soit ça la référence. Donc voilà, c'était bien, hein. C'était pas mal. Ouais, c'était pas mal du tout. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Profitez-en. Si c'est vous voulez envoyer des groupes en disant nous on fait un groupe et c'est cool, n'hésitez pas si c'est bien comme ça. S'il y a des s'il y a du trombone dedans, réfléchissez-y à deux fois. S'il vous plaît. Bisous. On continue notre sélection Stonehenge avec Radical Kitten, un groupe de Toulouse, comme d'habitude, avec le titre rond qui fait un noise rock avec une voix bien criée, gueulée, je sais pas, en tout cas c'est, bon, c'est bien, on va dire, c'est bien, c'est bien. Puis ensuite c'est on intense, a Makash, il le vit beaucoup. Ouais. Ouais. On a Makash avec la reprise de 1981 qui s'appelle Silence. Elle se retrouvait, ce morceau-là se retrouvait sur une compile contre le sexisme qu'avait fait Christophe Stonehenge il y a une dizaine d'années, et donc où des groupes faisaient des reprises. Et il y avait un gros livret contre le sexisme, et c'était vraiment très cool, bel objet, beau propos, la classe. Et puis c'est aussi une dédicace à même pour Makash à Millie. Voilà. C'était 1980. Enfin, c'était Makash qui reprenait 1981. Ouais, c'est ça. Tu faisais avec la fabuleuse Millie Auchan. Ouais. Bisous. Ça a pas trop suivi. Bon, c'est pas grave. J'aurais fait ce que j'ai pu. Oui, à moi. S'il te plaît, c'est Arnaud. Après ouais, Arnaud, ouais. C'est Arnaud. On écoute Black Josh Ape, un rappeur anglais. Voilà. Le bomba. Ah non, putain. J'ai eu peur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as le conditionnement, je dis black, ça flipote. Non, c'est bon. On est toujours dans le rap avec un rappeur anglais qui est chez Bla Records, qui sortent vraiment que des tueries. Et donc j'ai découvert comme ça en écumant un petit peu leur catalogue. Et on parlait de l'ami Melvin tout à l'heure, qu'on salue vu qu'on va écouter P4 à l'attaque. Comme quoi, passer 5 jours avec cet individu étrange ne laisse des traces. Et on va écouter leur tube punk rocker de merde, celui qui leur a valu de l'amour dans la scène punk. Voilà. Josh. Hey. Yeah, yeah. Hey, hey. Kicking in the door with some black Air Force. Yeah, yeah. But don't fake piss, you arrest me. Yeah, yes. In the crib, cause the fiends need a medicine. You're a deer in headlights, I'm a genuine to fantasy. I'm kicking in the door with some black Air Force. I'm the geek. Bien entendu, c'était dédicacé à Mounet et à Melvin. Voilà, à l'instant, c'était P4 à l'attaque avec leur tube, leur hit, punk rocker de merde. Et juste avant, Black Joss Ape, et non pas Black Bomba, hein, qu'on soit bien clair. Et le morceau, c'était Black Air Force. Voilà. On rigole, mais P4A4, on s'en fout. Non, mais, a été beaucoup écouté par nos contrées, et notamment par une petite bande de rue sur Moselle, et qu'ils avaient fait un groupe où dont Melvin avait fait la pochette. Oui, j'avais fait l'intermédiaire à l'époque. Ils étaient contents comme des enfants, en fait, d'avoir une pochette de Melvin. Quoi. C'était trop bien. La Rosta du punk. Et c'était du très bon punk rock boîte à rythme, donc c'est-à-dire. Donc, du coup, pas bon, mais. mais du très bon punk, boîte à rythme, paroles abusées et tout. Voilà, c'est le très haut du bas du panier. Et donc, je pense que ce qui ferait le moins plaisir à Melvin, c'est qu'on lui dise que c'est de la musique, alors finalement, c'est peut-être ça. Donc, on va s'écouter Drug Church, qui est un groupe dont j'ai passé des morceaux il n'y a pas très longtemps. J'en ai mis un petit bout dans le générique aussi, tellement j'aime beaucoup ce groupe. C'est une bonne grosse découverte de 2021. Et ils vont sortir un album en 2022, donc voilà, c'est la fête. Rebelote. Et du coup, voilà, ce morceau-là, il y a un petit côté Pixies. Du morceau connu, mais qui ferait toi un bœuf avec Sicko Fittol, quoi. Voilà, un peu, voilà. Un peu la bagarre. Wow. Ouais, dans la tête, ça fait bizarre. Voilà, j'ai hypé tout Where le monde. Where is my mind dans un mosh pit, quoi. Voilà. Après, peut-être vous allez être déçus de ma description, ouais. Ça serait pas la première fois. Et juste après, on va s'écouter Wolf Bastard. Et du coup, t'entends ça, tu te dis Mounet. Ouais, tu te dis Mounet. Je sens qu'on va. Tu te dis Mounet, tu te dis c'est sûrement un truc qui aime un peu le black metal et un peu la narcopunk en même temps. Et c'est exactement un groupe qui aime bien le black metal et la narcopunk en même temps. Évidemment, c'est anglais. Hein, c'est, voilà, si vous voulez vraiment une surprise. Voilà. Et je ne sais pas trop comment j'ai découvert ça, mais c'est vraiment cool. J'ai écouté un petit peu en me disant bon, allez, on va voir, ça a l'air rigolo. Et tout début du morceau, il y a un cri avec un petit écho derrière, ça fait et là du coup je fais ok, c'est très bien, je vais en passer à la radio. C'est totalement validé. Donc on s'écoute ça, Drug Church, Million Miles of Fun et Wolf Bastard, Can't Escape the Grave. I'll bring Et à l'instant, c'était Wolf Bastard, le nouveau groupe préféré de Mooney, même s'il ne le sait pas encore. Et juste avant, c'est Drug Church, avec un extrait de leur futur album à venir cette année. Ça vous a plu? Vous êtes content? Ouais. Bah, Wolf Bastard, moi, c'est ça cool. Me fait penser à Darkthrone, les trucs de Darkthrone. Ouais, c'est les trucs assez récents, quoi. Mmh. Avec la disto dans la voix et tout. Non, c'est cool. J'aime bien, moi. Non, oh, c'est... Oui. Premier degré, mais ça passe. Ah oui, je pense que... Metal fait par des punks ou du punk fait par des métalleux, on sait pas trop, mais c'est dans la veine, là, quoi. Ça dépend de la quantité de drogue. Voilà. Et du coup, en parlant de drogue, on va s'écouter Stone Age Records. Et non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mettez-vous X sur les mains. On va mettre un morceau de La Fraction qui reprend Big Nickel, Double Dahlia. Donc ça, c'était sur la compile contre le sexisme que Christophe avait sorti. Et on va mettre après 12 X You qui reprend La Fraction. Donc c'est le bordel. Ouais, c'est bien. Avec le temps qui passe, c'est ça. Normalement, c'était pour la compile anniversaire des 25 ans de Stonehenge. Mais qui ne sortira jamais parce que les groupes traînent à donner des morceaux. Donc c'est dispo sur le Bandcamp de Stonehenge. Il y a une compile de super groupes qui reprennent le catalogue Stonehenge Records. Et ça mérite une oreille. Yeah! c'était les super 1-2-XU ou 12-XU ou 1-2-XU ou un... Bon, bref. 2-XU well... Non, c'est pas ça. 1-2-XU, le temps qui passe, cover, la fraction. 1-2-XU, c'est aussi les gens qui jouaient dans Bâton Rouge, des groupes lyonnais comme ça, qui jouent maintenant dans Contraction, qui jouaient dans Dytro, tout ça, tout ça. Oui, donc c'est pas étonnant que j'ai trouvé que ça dérivait vers les mots, en fait. Oui, pas étonnant, pas étonnant. Retour à Toulouse, avec toujours l'esprit de notre ami Melvin qui plane sur l'émission. On va écouter Tekken, ce groupe de Power Violence qui me ramène pas mal d'années en arrière quand j'avais découvert ce groupe-là. Avec le morceau Sheet Pains, issu de l'album éponyme sorti sur CDR en 2002. Quand même, c'est quelque chose, tu vois, toute une époque là. Voilà, et on fait petit. Non, mais ce qui est bien, c'est juste avant, on parlait de. C'était la compile contre le sexisme de Stone Age. Ouais. Où il y a double 45 tour marbré, super beau, gros livret. C'est sûr que. Tu vois. Il y a un peu de salle de ambiance voilà. En termes de pressage, quoi. Et on enchaîne toujours en grand écart avec Osgang. Osgang, c'est le nouveau groupe de Kazé, la rappeuse qui fait des trucs ultra excellent et qui domine le rap game, comme on dit. Attends, on a passé un morceau, la dernière émission, celle d'avant, non ? Et que j'écoute très régulièrement. Enfin, Kazé, c'est vraiment ultra lourd. Et donc, son nouveau groupe qui est très très cool, comme tous les projets qu'elle fait, on va écouter le morceau Bonne Conduite. Voilà. Sous les coups de la PAC, chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bisec, que ces bords dissèquent. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre. Bonne conduite, il te faut la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite. Il te faut la bonne conduite, bonne conduite. Marche-toi, marche-toi. Voilà, vous êtes toujours sur Memento Mori. À l'instant, c'était les excellents Osgang avec Bonne Conduite, chanson sur les violences policières, vous l'aurez compris. Et avant, c'était le petit Tekken issu de 2002 qui arrive direct. À cab. Voilà, si vous aviez un doute, 2002, ça fait 20 ans. La rage. Ah, putain. Ah, bah c'est moi. Oui, c'est moi. Toi. Ah, mais oui, hein, Mitch, où as-tu la tête? Es-tu prêt? Oui, je suis toujours prêt pour mettre du sludge metal un petit peu qui vient des pays du froid. Le groupe, c'est Orndal avec un H comme Orndal. qui est un groupe suédois, pardon, c'est, voilà, ça vient de loin, mais voilà. Qui est un groupe qui sont formés un peu pour l'occasion. Ils viennent d'une ville, Orndal, justement, qui était un peu. C'est un peu notre vallée. C'est l'équivalent de Charge 69, si vous voulez. Si vous voulez des grosses références. Comme il a tout foutu en l'air. Eh oui. Non, mais c'était une ville minière. Et en fait, une fois que la mine s'est cassée la gueule, et du coup, la ville a perdu je ne sais plus combien de pourcents de sa population. C'est un truc de fou. Et là, en fait, c'est en train d'être investi par Google qui veut faire des data centers là-bas, donc qui rase des forêts dans tous les sens, mais qui n'est pas sûr de mettre le data center, mais il rase la forêt dans le doute pour au cas où, quoi. Comme ça, c'est prêt. Et donc, du coup, tout l'album est articulé autour, en fait, de l'histoire de la ville. Et du coup, on va s'écouter The Black Wheel, qui, comme la roue noire, qui écrase la population. Je sais pas, dans ma tête, ça se dit vachement bien. Mieux. C'est bien. Moi, j'ai... Juste après, on va s'écouter The Drips, qui est un groupe américain avec notamment des gens de The Bronx dedans, enfin, notamment le chanteur, donc du coup ça ressemble vachement à The Bronx. Et un morceau qui est vachement cool, qui vous verrez moins oppressant que le mort. Voilà, exactement. Alors, c'est un peu scarrayé, voilà. Mais un peu, partez pas tout de suite, c'est vraiment bien après. Voilà. What? Et c'était The Drips à l'instant. Ça vous a plu ce côté reggae J'ai préféré le côté sludge house du premier morceau. Tout court pour ma part. Ah bah oui, évidemment. Et, mais bon, hein, quand même, les deux. C'est deux petites découvertes comme ça. Alors que The Drips a fait l'album en 2006. Donc voilà. Oui, tu veux, non, mais. J'arrive avec 16 ans de retard, mais quand même, c'est très très bien. Alors que Randall, c'est un groupe actuel et tout. Et deux bonnes découvertes là, très récemment, je suis très content. Oui, mais le truc sludge, machin, chose là. Ouais, c'était bien ça. Ouais, c'était, ouais. Bien, c'était bien. Vous avez aimé ? J'en ai un deuxième. Ouais, mais tu m'as interrogé. Enfin, tu m'as interrogé, non, pas du tout, mais. Tu m'as... Et vous avez voté quoi ? Vous avez... Non, mais en tout cas, ça me questionne tout ce truc autour de la ville qui a périclité et que Google vient, etc. J'allais voir ça. Est-ce qu'on peut dire en conclusion que c'est autre chose que c'était une belle région, vous l'avez sacrifié ? Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Les connaisseurs apprécient. Connaîtront moins. Donc c'est à moi. On va passer avec une vieillerie du catalogue Stonehenge qui a dû faire 10 concerts, qui a dû vendre 5 disques, qui s'appelle Inertie, avec le morceau Mort en spectacle. Et ensuite, un nouveau groupe qui vient de sortir son album chez Stonehenge et Creuse ta tombe. Ça s'appelle Erratum, qui fait un morceau qui s'appelle Style, genre quoi, qui parle du genre. Voilà. Oh, my God. l'instant, c'était... J'en sais rien. C'était, c'était de l'Hémocrest. C'était Erratum. Erratum de Saint-Thé. De Saint-Thé. Et c'était avant Inertie, qui est une vieillerie de Stonehenge. Et donc, c'était le bloc Hémocrest qui chiale. Oh, ça va, ça bien, c'est ouais, pas non. trop chialé quand même. Non, mais ça va. Ça, ça va venir. Ça, c'est pour ça va venir. D'accord. Ouais. La montée ça en puissance. Crescendo, crescendo. On va écouter Spy, groupe de Power Violence, hardcore, que m'a fait découvrir Michol. Et ouais, non, plus, plus en mode bourros et haineux à donf. Et donc voilà, on va écouter le morceau Violent Majority, issu de leur album Service Weapon, non c'est même un EP, qui était sorti en 2020. Et là ils ont sorti un nouveau truc en octobre dernier, donc allez écouter parce que c'est vraiment vraiment vénère. On enchaînera avec Six Side, un groupe de rap tendance horrorcore. Donc paroles de films d'horreur et gros rap de gangsta là-dessus. Voilà, le morceau c'est... On en apprend tous les jours, mais vraiment. Oui. On a vu la gueule à Mitch, c'était... Quoi ? Memento Mori est une émission culturelle. Ah ben, je n'arrête pas de le dire. Voilà, donc Six Side, on va écouter le morceau Killusion de l'album White Crosses, c'était sorti en 2006. Bonne découverte de l'horreur, quoi. Chins and ripping off your mandibles, waxing plans like candelabras, fatter than bitches singing operas. Even Superman get that ass stomped when we mash on your metropolis. They say opposites attract, when whack kids see us, they bounce back and explode 2 million pieces. Cease to resist and make the milk carton this. Bobby next appear at the late midnight mist, materialize in liquid form and take the shape of cancerous cyst, invading MC's esophagus, taking their voice boxes hostages, eating their Adam's apples and stashing the core in their nasal passage. Massive behemoths spring forth out chest cavities like aliens, defying gravity. We tap dance on domes, foes fall like Rome. They'll come up short like gnomes against our terrible tactics. Sick like lactose intolerant cats, drowning in milk fats, dirty rats. Six I know to flip verses in Latin, and if it's you against my little friend, I'm betting that the fucking gap wins. Blam, blam. Started when I used the fork. trapped in the stairs below. It's so cold as I puke snakes. Bitten by the devil, now I choose your fate. A new hate will overcome me. Relax your soul as the circle completes. Easy opinion, black magic still using. Get inside your mind with these kill illusions. Petit fade out bien comme il faut. Ouais. C'était Six Side, morceau Kill Illusion, et avant les excellents Spy. Allez écouter Spy, c'est vraiment bien. Voilà. Voilà, voilà. C'était pas un oui, c'était pas un non. C'était oui, pourquoi pas. Oui, oh. C'était un laisse-moi 4 secondes pour rechercher le groupe que je dois passer, parce que je sais même pas d'où ça vient et j'ai envie de trouver des infos. Ça vient de Les Angèles. Donc, on va s'écouter Rongeur, qui est un groupe norvégien. De... Rongeur. Comme son nom l'indique d'ailleurs. Eh, hein. N'est-ce pas? Et en fait, je ça saurais imiter Rongeur. Vaguement un accent norvégien, je pourrais faire une blague sur le nom, mais comment ça risque de sonner alsacien, du coup. Comment on écrit ça? Comme un rongeur. Comme un rongeur. Je sais pas, il y a peut-être un expatrié dans le tas. Ouais, je sais rien, mais. Non, parce que non, j'ai. Rongeur. Ça fait viking comme ça. Ah. D'accord. Je sais pas, j'essaye des trucs. Ouais. Mounet n'est pas là pour nous faire les accents. C'est vrai que. Bon. Que... Mais là, lui, il est pas très fort pour le roi Norvège. Ouais. Il est plutôt au sud d'Amérique. Voilà, qui est un groupe de sludge-os, hein, comme. Ah. La fameuse catégorie que vous retrouvez dans tous vos bacs de bonnes distros, d'ailleurs. Hein. qui est donc a fait un disque, je sais pas, j'ai découvert ça parce que sur l'Instagram ils ont été interviewés dans un espèce de webzine où ils ont dit que Ombre et Malo c'était un de leurs groupes de sludge préférés, qui est un groupe que moi j'aime bien, du coup ouais, cool. Ombre et Malo a partagé, du coup j'ai dit ah tiens qu'est-ce que c'est Rongeur, j'ai été écouté et tout le monde s'en branle et du coup on va s'écouter ça et avec un petit passage quand même, à un moment je me suis dit c'est l'instant dodos et vous verrez ça vous paraîtra évident et juste après ça on s'écoutera 45 Grave. Parce que c'est un groupe de Los Angeles, donc ça doit sûrement se prononcer comme ça, avec peut-être un meilleur accent, allez savoir. C'est un vieux groupe de post-punk, en gros, dans l'idée. Et j'ai découvert ça grâce à J'écoute Sardou dans le Noir, qui est un site qui fait des... J'en avais déjà parlé, oui. Mais c'est toujours aussi cool. Mais tu parles toujours de toutes tes déviances musicales. Non mais vas-y, moi ça m'intéresse. J'écoute Sardou dans le Noir, c'est quoi ça? C'est un site qui fait des playlists en fait régulièrement. T'as deux, trois parties. En fait, c'est des participants qui font des playlists avec plus ou moins de thèmes en fait. Et ça regroupe aussi quelques émissions, genre Tous en Tongue. Je sais pas si tu vois, c'est une émission musicale aussi. Espèce de nos collègues, pas tout à fait dans le style, enfin dans le même style en tout cas. Mais ouais, ça regroupe plein de choses. T'as vraiment de tous les styles. Et y compris le temps de style d'ailleurs. Voilà. Si ça peut te faire plaisir. Ah, si on pouvait éviter de parler de ce groupe, ça m'arrangerait. Bah, en fait, je me suis dit, c'est une bonne référence et en plus, c'est un petit jeu de mots. Là, il y avait tout pour me faire plaisir. Et donc voilà. Et du coup, ils ont fait une playlist post-punk il y a peu de temps et il y avait ça dedans. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment ultra cool. Donc voilà, on s'écoute ça. Rongeur et 45 Grave. Yeah. Et à l'instant, c'était 45 Grave. Eh ben, c'était cool. Mais oui. Voilà, je n'ai rien de plus à dire que oui, c'était cool. Et juste avant, c'était Rongeur, c'était qui cool était cool aussi. Hein, ouais, voilà. Et je suis content, en fait, là, en janvier, j'ai fait plein de découvertes sympas. Et ça faisait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'avoir autant de découvertes d'un coup. Et ça fait plaisir. C'était la scène nordique, c'est pour ça. On va savoir. Bah, après, voilà, c'est... Oui, c'est... Non, mais ça regorge de groupes dans tous les sens là-bas, coup, forcément. Après, par accident, des fois, il y en a un, il est bon, tu vois. C'est... Mais après, je veux dire, concrètement, enfin, on dit ça de la Norvège ou des pays nordiques, mais tu regardes la playlist de Stone Age, moi je connaissais deux groupes dedans. Et clairement, En fait, la France, c'est un vivier de groupes de ouf, et puis c'est on l'ignore trop souvent. Moi, vous m'avez parlé de trucs. Ah oui, bah, d'aucun. Enfin, sauf Arnaud avec les groupes de rap, machin, qui me parlait. Mais... Alors que moi, ma playlist, je la ponce depuis des années. Bah voilà, c'est ça. Bah, c'est très bien. On t'a parlé de Turnstile déjà, tu connais ? C'est vachement bien. Alors, je vais t'étrangler. Avec ce que je vais trouver. Hein, tu veux qu'on écoute les Stranglers ? Il y a beaucoup de câbles autour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de câbles. Je vais pouvoir t'étrangler facilement en plus. C'est excellent. Et vous savez quoi là ? C'est l'heure de l'emo crust. Emo, pas tout crust. Emo tout court. Emo qui chiale tout court. Genre mon genre de prédilection, quoi. Est-ce qu'on se fait un jingle Emo qui chiale tout court ? Emo qui chiale tout court. Voilà. Bon, l'IA n'a pas suivi, mais c'est pas grave. C'est le coup de barre. Donc on arrive avec Jasmine d'abord, avec le morceau Choix. Le morceau doit avoir 30 ans à peu près. Mais moi, j'écoute ça comme si c'était composé hier. Mais ça me dit quelque chose, t'aurais pas déjà passé là, quand t'avais fait la playlist démo. Dès que j'ai la possibilité de passer sur une radio, je fous Jasmine de toute façon. Donc, la prochaine fois, ça sera pareil. Hein. Bon, je mettrai peut-être pas Choix, je mettrai autre chose. Mais, mais Choix, c'est ma préférée en plus. Donc, Iré. Alors en dernier, hein, toi, pour clore le chapitre, pour avoir un côté fort à marquer, taper du poing sur la table en disant voilà, c'était un bloc émo qui voilà qui émo qui... avec toute l'assurance de l'émo. Voilà, c'est ça. Et du coup, Iré, c'est le nouveau groupe, le groupe en activité. Du sieur Christophe qui tient Stonehenge depuis 91, je crois. Et c'est emo, c'est punk, c'est génialissime. Ça fait vriller les yeux, le cerveau, le cœur. Ça fait rire les oiseaux. Ah non, c'est pas non, ça. Non, pardon, ça, non tu, ça fait renifler un peu comme ça. Comme ça, parce que t'es ému et tellement que tu aimes ça et tellement c'est beau, quoi. Donc. Merci Iré, merci Christophe, merci Stonehenge, merci les mots. Oh, c'est beau. I'm not the best. Et c'était libéré, délivré de Iré. Voilà. Non, mais c'était pas beau. C'était cool. Moi, j'ai pleuré, j'ai eu du plaisir. Ouais, c'était. C'est pas vrai, je t'ai regardé, t'as fait des blagues de long tout le long, t'as cité les visiteurs et tout ça. Non, bon, c'est vrai, t'avais un peu les yeux humides quand même. Et juste avant, c'était Jasmine, c'est ça ? C'est ça. Donc, petite anecdote que je vous disais. Jasmine, donc, ça a dû faire, c'était 93-94, ça a dû sortir deux EP, un split EP ou, et une démo cassette. Vraiment, le truc, ça a duré peut-être un an et demi, etc. Mais c'est quand même devenu une influence mondiale dans les mots hardcore, quoi. Dont le groupe Envy, ce groupe japonais qui est assez gros maintenant, quoi. Bah ouais, c'est ultra gros, c'est genre le plus gros groupe de la scène quand même. Bah ouais, ouais. C'est même plus la scène, enfin on est autre chose là, ouais. Peut-être. Ah bah tu, sur la, je sais plus c'était quelle scène du Hellfest, c'était tête d'affiche de la soirée, ouais. Toi, à ce point-là, quoi. Bah ils se sont formés parce qu'ils ont écouté Jasmine. Et voilà, voilà. Quand même. Vous ne voulez pas pleurer là. Séchez vos larmes, on va enchaîner avec Formoli. Alors, d'après leur Bandcamp, on est dans le Krusty Grindcore Violence. Voilà. Le texto. C'est un groupe qui nous vient de Grèce et qui vient de sortir un album là tout récemment. Et ouais, et puis gros crust qui tâche. Voilà. Donc, belle petite découverte pour ma part. On va écouter le morceau Condemned to Suffer de Formoli. Et juste après ou avant, je sais plus, on enchaîne avec Delek, le groupe de noise rap ricain, avec le morceau Bricks Crumble, issu de leur putain d'album excellent qui est Abandoned Language, sorti en 2007. Et qui un peu qui m'a, enfin c'est cet album là qui m'a réconcilié avec le rap, donc voilà, donc Formoli et Delek. Challenge. Average actors are quick to non-factors. You formulate your goals, disastrous straight motion. Only be perceived by the chosen. Same tree still grows in Brooklyn. Misery mistooken. Maintain pain constantly central and booking. Mental erodes like canyon rock in sediment. All axes evolve past sentiment. Militant speech type of Mary Baraka. Await actions from hands that ain't proper. Word strength and emotions they foster. Bricks crumble under feet of this author. Militant speech type of Mary Baraka. Await actions from hands that ain't proper. Word strength and emotions they foster. Bricks crumble under feet of this author. Assassins, arrows aimed at the affluent. Tongue stuck to pavement, we hold no influence. Maintain the stateless, we're lost with our innocence. In exact science, defined by home sense. Designed our demise in past tense. Tumultuous results raise brow with doubters. Debated innate abilities amongst oceans of cowards. Conceived concept, convinced elusive. The value of a voice seen in movements. Melancholic lyrics became the mundane in this maze. Awake my cohorts with verbal tirades. pas si pire. Non. Ah. En fait, je suis presque un peu déçu à force. Et ben moi, c'est ma petite découverte du moment. Voilà, c'est Formoli, c'est grec. C'est grand. Hein. C'est ouais. Grand. Moi, j'ai... non, la musique était vraiment bien et tout. Le chant. La voix. Waouh. Waouh, le ouais, fond de cuve, ouais, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et encore, c'est... ça couinait pas tant que ça. Oui, non, c'est pas Guttalax. Ouais, non. Voilà, Formoli. Avant, c'était Delec. Passe toujours très bien, ça. Très grave. Et bah du coup, on va s'écouter deux petits morceaux qui vont sûrement faire la fin de l'émission, je pense. Avant qu'on ait le temps de mettre un petit truc de Power Violence à la fin pour le plaisir, mais ça sera vraiment pour le plaisir. J'ai, si besoin. On va s'écouter Angelic Upstarts avec le morceau Solidarity, que j'écoute encore de temps en temps, malgré sa production qui fleure bon les débuts des années 80, mais qui est vraiment un morceau très très cool et que je pense qu'on en a toujours autant besoin, surtout aujourd'hui. Et juste après, on va s'écouter The Armed, encore un petit peu. Ils ont fait un live sur Adult Swim, et qui est incroyable, le son est trop trop bien. Et je suivais un petit peu, j'ai regardé un peu les interviews du groupe, et je suis tombé sur un interview où ils parlent en fait de leur programme de musculation, et j'étais là. Mais... tu sais, ça m'a pris 10 minutes à me dire, mais attends, je suis vraiment en train de regarder le nombre de protéines qu'ils mangent par jour. Et tu te dis, mais... oh, peut-être s'arrêter là, non ouais. Enfin voilà, sachez donc qu'ils sont plutôt à 4500, 5000 par jour, avec un ou deux repas de triche par semaine pour le plaisir. Voilà. Si on a éventuellement des auditeurs haltérophiles, peut-être que ça leur plaira. Et après tout, la culture, ça peut être aussi ça. Si Mika de Satan nous écoute finalement, peut-être que lui ça l'intéresse. C'est pas la culture, c'est la culturiste. Ah ah, j'adore cette blague. Allez, on s'écoute de l'œil et puis après de l'ultra pop. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man, in unity there's each other and your friend. Comes your brother, and in the tyrant's thought will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. Pray for a nation through its darkest times. The tyrant has no smile upon his bed with the ghost of my father. C'était The Armed. Que oui, oui, oui. Oui, mais après, moi, c'est une passion. Qu'est-ce que vous voulez? Non, non, moi, j'ai quand même un moment très, très bien. C'est que, du coup, comme à tout le monde, à tout mon cercle, tout mon entourage, j'ai montré le clip où ils sont très musclés et tout ça. Et du coup, ma collègue de boulot l'appelle le groupe des musclés. Ouais. Et du coup, quand ça passe un petit peu dans la playlist, en shuffle, elle me dit: ah, c'est le groupe des musclés. Et là arrive le moment, en fait, où elle a zappé le groupe D. Elle a dit: c'est les musclés. Ouais, oui, oui, bah, évidemment, c'est les mêmes. Hein, c'est Dorothée qui arrive juste après et tout. Elle a fait de la muscu depuis. Tout va bien. Voilà, c'était ma super anecdote pour boucler cette émission qui nous a tenus en haleine. Donc on se retrouve le 3 mars pour la prochaine. Merci à Arnaud d'être venu remplacer Mounet au piano. Merci à vous, c'était très chouette. Merci à Arnaud d'être toujours là. Voilà. Merci à Lia de nous supporter, hein, globalement. Oh, ça va. Ah, bon, le guacamole était bon. Voilà. Il faut vraiment. Il faut des contreparties. Et voilà, on se retrouve le 3 mars. Merci de nous avoir suivis. Des bisous. À bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Ah oui, c'était quoi vous ? Black metal. Oh bah déjà, c'est tout un programme.